Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 33. J'espère que tout le monde est en grande forme. Moi, pas tant. Oh, ça va bien, ça va bien. Je pensais pas enregistrer un épisode aujourd'hui. Jeudi matin, j'ai réussi à avancer un contrat que j'avais. Puis là, j'ai sauté une semaine, la semaine dernière. En fait, j'ai juste mis sur YouTube et sur RZO et sur Spotify et partout mon épisode 32. J'ai été pas mal busy là, avec le magasin, puis les impôts, puis des gogos personnels. Bref, j'avais. Puis il me semble que j'avais rien de tant de nouveau à dire. Fait que j'ai sauté une semaine. Mais matin, là, j'avais un moment, puis ça me tentait. Puis it's all good. Et puis ma pile de nouveautés qui s'ajoute à ma collection grandit. Et puis je voulais dire radoter là, une couple de trucs. Alors me voilà. Et puis, tout d'abord, je voulais dire merci aux gens qui m'ont écrit ou qui ont commenté sur mon épisode 32, le dernier épisode, en fait, dans lequel je raconte mon aventure immobilière à Montréal. Et puis, c'était bien le fun, sérieux, de parler de ça. Moi, parler des affaires personnelles comme ça, ça... Je sais pas, ça coule tout seul, tu sais. J'aurais pu parler pendant 2 heures, là, facile. Puis là, j'avais 1 heure de fête, puis là, je me suis rendu compte, wow, OK, j'ai pas parlé de comment c'était de juste creuser le sous-sol non plus, parce que ça, avec, c'est bien des démarches, bien du bordel. Bref, c'est un autre dossier, mais j'en parlerai peut-être un jour. Mais là, je suis un peu tanné de parler de ça. Vous êtes sûrement tanné d'en entendre parler aussi. Alors, ça couvre cela. Mais oui, merci vraiment. Puis, comme je disais dans l'épisode, moi, j'aime dire les vraies choses et puis mettre des vrais montants, de la vraie argent sur les affaires. Ça met les gens en perspective un peu et puis ça donne une meilleure idée de ce que cela représente. Et puis, tout est possible. Faites ce que vous voulez dans la vie. Très important. Alors, merci à tous. C'est vraiment très apprécié. Merci. Deuxième chose, je voulais des petites annonces. Je voulais faire aussi un retour sur Bière et Cassette qui a eu lieu à la microbrasserie Avant-Garde il y a déjà 2 semaines, là, je pense. Je suis un peu perdu dans le temps. J'ai de la misère à retenir des dates, les chiffres, là, les jours. Donc, samedi il y a 2 semaines, whatever. Et puis, c'était bien le fun. J'espère, j'ai vu certaines personnes d'entre vous. Et puis, merci à tous ceux qui sont venus. C'était un joli petit événement de vente de jeux, dans le fond. Et puis, je voulais pas faire de quoi de trop big non plus. Tu sais, je voulais comme juste boire de la bière l'après-midi, vendre des jeux, puis être chill avec du monde. Puis, ça a été bien correct. Et puis, c'était le fun chez Avant-Garde aussi. Il y avait beaucoup de place, la bonne bière, bref, belle expérience. Donc, merci à tous. Et puis, je pense pas d'en refaire avant un petit bout, là, par exemple. Je dois dire que même si c'était pas un gros événement, il y a quand même de la gestion et de la planification à faire. Puis, je m'en venais pas que ça. Ça, en plus de toutes les autres choses que j'ai à faire, tu sais, j'ai décidé de vouloir faire cet événement-là dans un petit beat où est-ce qu'à un moment, un moment passé où est-ce que j'étais comme plus relax, puis là après ça, il y a des affaires qui sont arrivées, puis là j'étais comme ah ouais, ah oui, puis tout ça. Donc j'ai comme besoin de relaxer un peu. Là je me sens tendu présentement. Fait que je ferai pas d'autres ventes de jeux avant un bout, désolé. Et puis voyons, je dis désolé parce que je parle de façon déconstruite. My God, je suis fatigué. C'est ça, je suis fatigué. Donc, je vais prendre une petite pause des événements de vente de jeux que j'organiserai, mais je vais aller assister à ceux qui existent lorsque ce sera possible pour moi le week-end. Mais ouais, je suis comme bien fatigué là, ces temps-ci, puis je suis comme tanné là, de gérer des affaires. Je veux plus gérer des affaires, tu sais, j'aimerais ça que tout se fasse tout seul sans que j'aie besoin de dire comment faire les choses ou, tu sais, comme... C'est peut-être ce moment de l'année où est-ce que l'hiver s'étire. Là, j'ai des impôts personnels à faire. Il y a des impôts pour le bar, des impôts pour le magasin. Et puis, c'est des impôts compliqués, tout ça, plein de papiers à checker, plein de documents, plein de recherches à faire, plein de gogos de travail autonome, de salariés. Tout ça, c'est bien compliqué et puis ça me prend bien de la place. Et puis, on a comme une petite wave là, de gens désagréables présentement sur Retro Montréal ouais, qui nous donnent genre pas mal de de fil à retordre. Faut qu'on... Ah, encore du fil, on retord tout ça. Faut répondre à beaucoup de monde ces temps-ci qui, me semble, se force pas beaucoup pour comprendre ce qui se passe. Alors, puis il y en a un vraiment très, très intense qui là, nous ont consommé bien du temps cette semaine. Un vrai maniaque. Bref, on fait affaire des fois avec du monde qui ont des problèmes et puis qui sont deviennent problématiques pour nous. Donc là, j'essaie de régler ça. Et puis ça va se régler, bien sûr. Je banne. J'ai jamais banni de gens sur Facebook. J'essaie tout le temps de régler les affaires, tu sais. Puis habituellement, ça marche. Mais là, je suis rendu à un point dans ma vie où est-ce que là, ça suffit. Ma patience est très mince. Donc, j'essaie d'expliquer. Et puis là, quand on me donne de la marde, ben là, décalisse. Et puis, je bloque les gens. Et cette partie-là est coupée et sortie de ma vie. Et puis, c'est ce que j'essaie de faire pour rester le plus zen possible présentement. Mais il y a tout le temps du monde qui continue de gratter les bobos. Alors, moi, ça me... Il n'y a pas de bobos, en fait. Le monde, il invente des bobos, puis il les gratte, tu sais. Puis, il me gosse avec ça. Moi, le monde, il consomme mon temps, tu sais. Tu peux m'envoyer chier, je m'en fous, là, tu sais, mais comme, notifie-moi pas, tu sais, que tu m'envoies chier, je sais pas quand, j'ai pas le temps. Ça me rejoint pas de me faire envoyer chier, personne m'a envoyé chier en passant, mais ça me rejoint pas de me faire attaquer, genre, personnellement, parce que je suis très bien avec ma personne, mais comme que tu crées du noise, puis il faut que je gère ça dans mes entreprises, puis tout, puis là, man, là, tu m'agresses. Et puis, je suis très peu réceptif à l'agression. Alors, voilà. J'ai besoin de prendre un break du magasin aussi, je pense. Et puis, la relâche arrive, donc je vais déconnecter un peu, faire autre chose. J'ai besoin de faire le party aussi, vraiment. Là, je suis rendu bien tranquille, donc j'ai besoin de faire ça. Et puis, on va faire le party pour la Nuit Blanche à Arcade Montréal le 29 février. Ça va faire du bien. Je vais faire un tour en Beauce, on va aller au zoo, le Miller Zoo. Vous avez sûrement vu ça à la télévision, le Miller Zoo. J'ai joué au hockey avec Clifford Miller, le fondateur du zoo lui-même, qui vient de Saint-Édouard de Frampton, là où le zoo est. Et puis, c'est bien cool de voir Clifford avoir bâti un méga gros projet aussi incroyable que ce zoo. Et puis, quel entrepreneur sérieux, wow, c'est vraiment impressionnant. Je suis bien fier de l'avoir côtoyé à Tôme. Je pense qu'on a juste joué une année ou deux ensemble. Il était bien gentil, les Miller. Et puis, les Irlandais, je pense, eux autres, à l'origine. Si je me trompe pas, il me semble qu'il avait dit ça. Bref, voilà, on va aller au Miller Zoo et puis on va faire la fête et je vais décompresser et ça va aller beaucoup mieux. Ça va très bien, mais je suis un petit peu plus là-bas. Et puis, c'est ça. Donc, je parlais d'événements aussi. On va être au Festipod le 22 mars prochain, c'est un dimanche, chez l'Adversaire Pub Ludique. Ça, je sais pas si ça s'appelle de même, Pub Ludique, mais en tout cas, c'est l'Adversaire. Et puis, c'est dans le Schlag, dans Hochelaga, Sainte-Catherine, coin, je me rappelle plus quoi, en face du Parc Morgan, là. C'est ça, c'est un pub ludique, dans le fond. Et puis, Fanny Grégoire, du podcast La vie secrète des geekettes, organise cela avec d'autres podcasteurs, dans le fond. Fait que ça va être genre deux jours de podcasting live chez l'Adversaire. Et puis, Rétro Nouveau sera présent dimanche à 16h pour un épisode d'une heure à peu près. Et puis, je sais même pas de quoi on va parler encore. On dirait que Bruno et Fred sont déjà alignés, mais ils m'en ont pas parlé vraiment parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est dans je sais pas combien de temps ça là. C'est dans plusieurs semaines, donc je suis pas rendu là dans ma tête. Mais on va être là à 16h. Et puis, moi, j'aime ça que ce soit en fin d'après-midi. Comme ça, on va prendre un verre, on va faire le podcast. Et puis, tout de suite après nous, donc à 5h, c'est comme une heure libre pour les gens qui veulent jaser et puis tout ça. Puis, le podcasting reprend à 18h. Donc, si vous voulez venir parler avec nous, avec moi, pour Rétro Nouveau, Papa Cassette, whatever, on va être une belle gang, là, et puis on va pouvoir jaser et trinquer pendant une heure entre deux podcasts. Ça te meuble un dimanche, mon ami, tout de suite après l'épicerie, c'est parfait. Donc, on va être là. Et puis, je vais annoncer ça là, sur mes pages, et puis on va en parler aussi un peu à Rétro Nouveau. Rétro Nouveau est en pause, Fred est à PAX East. Et puis ça va être la semaine de relâche, comme on va bouger beaucoup. Donc on va revenir après ça. prendre une petite gorgée d'eau. Je bois de l'eau. J'ai bu mon café, il est 11h15. J'ai trop bu de café, en fait. Donc là, je bois de l'eau juste pour... J'ai augmenté ma consommation de café. C'est pas très bon. Donc, ouais, je voulais juste parler aussi d'une petite nouvelle drôle que vous avez vu passer, vous aussi sûrement. Les handheld Tiger Electronics sont de retour. Je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit, les petits jeux Tiger, il y en avait de tous les jeux, tu sais, Double Dragon, Castlevania, il y avait même des affaires comme MC Hammer, tu sais. C'était comme des jeux vidéo format, c'était à peu près gros comme une bonne grosse tranche de pain, là, tu sais. Et puis, c'était des petits trucs comme des. C'est quoi le terme de ça? Pas LCD, peut-être. Comme, tu sais, comme des montres, des vieilles montres, là. Comme un écran de Game Boy, dans le fond, mais. T'avais juste un fond avec un layer, comme un Game & Watch un peu, avec un layer par-dessus de trucs digitales qui bougent, puis c'est ça que tu contrôlais, puis ça clignotait tout le temps. C'était vraiment de la marde, tu sais, on s'entend. Puis moi, quand j'étais jeune, j'en ai jamais eu de ça. Puis j'avais puis j'ai jamais joué à ça. Des amis à moi en avaient, mais les batteries étaient toujours mortes, ils les amenaient à l'école, ils les prêtaient pas, tu sais, comme, j'ai jamais pu jouer à ça. Puis quand j'étais jeune, je voulais vraiment jouer à ça, tu sais, parce que moi, je n'ai eu des petites affaires Radio Shack, toutes petites de bip, bip, bip, bip, comme ça. Et puis, mais ça avait l'air d'être plus gros, tu sais, c'était comme la grosse affaire. Puis, j'avais pas ça. Donc, là, c'est comme le temps de m'y remettre. Et puis, mais je veux pas m'acheter ça, tu sais. Dans le fond, juste pour en parler, Tiger Electronics, il avait fait ça dans le temps. D'ailleurs, les jeux Tiger Electronics Atari 2600 sont très rares. Donc, Tiger était pas pire sa coche dans le temps. Et puis, maintenant, ça appartient à Hasbro, tout ça. Et puis, Hasbro a décidé de faire ça pour la nostalgie. Dans le fond, il relance ces affaires-là. Il va avoir 4 jeux pour commencer. Little Mermaid, X-Men Project X. Et il va avoir, j'ai pris ça en note, Transformers Generation 2. Et puis, Sonic 3. Donc, c'est des, je pense, il me semble que c'est tous des nouveaux jeux. Parce que je pense pas qu'ils vont refaire les anciens jeux. On dirait qu'ils font des nouveaux jeux, mais ils ont noté que c'est vraiment basé, tu sais, comme sur ce que c'était dans le temps. La machine est pareille, tout est pareil. Tu regardes ça, on dirait que ça sort des années 80, tu sais. Fait que c'est ça. Puis ça a l'air d'être disponible au dire de l'article de The Verge. C'est disponible en précommande au GameStop. Nous, chez Retro Montréal, on nos fournisseurs n'ont comme pas ça. Je sais pas si c'est disponible chez EB Games. Ça coûte 15$ ces affaires-là. Ben, 15 US, là. Ici, je sais pas ce que ça donne. Peut-être 20$. Donc, mais je vais pas me lancer là-dedans du tout. Par contre, l'idée m'a effleuré plusieurs fois de pogner les originaux des affaires que j'aime. Genre, par exemple, le Castlevania 2 Simon's Quest. Tu sais, il me semble qu'avec tous mes jeux Castlevania, et ça le ferait, tu sais. Il me semble que ça aurait sa place, ça. Mais en même temps, je suis comme, une autre affaire, tu sais. Puis si je commence à en ramasser un, là, je tombe sur un autre qui est cool, genre justement Double Dragon. Je suis comme, ben, va même le pogner, là, tu sais. Double Dragon. Puis là, comme, va s'enclencher un processus de maladie dans ma tête qui va vouloir toutes les avoir, et puis de pogner les plus chers, et puis les plus rares. Donc, je veux pas trop aller là-dedans. Mais je tiens quand même à mentionner que j'aime ça quand les compagnies font ça et puis ils vont pas se mettre riches avec ça du tout, à mon avis, on s'entend. Ça va pas... ils vont faire des profits, pas des tonnes, mais tu sais, comme c'est juste comme un peu quasiment de la pub de faire des projets comme ça. Puis moi, je trouve ça très bien. Donc, allez voir ça, vous avez vu ça passer sûrement, les Handheld Tiger Electronics sont de retour. Je vais enchaîner... Colin, ça va vite aujourd'hui, hein? Ça va vite. Je parle vite. Mais je vais enchaîner avec mes trouvailles. J'ai oublié pas mal d'affaires. Cependant, je suis cassé. Je suis pas si cassé, mais j'ai des dépenses importantes que je prévois qui s'en viennent. Et puis, les taxes municipales, entre autres. Et puis, je veux... tu sais, le sous-sol ici, c'est le fun, mais il est pas meublé. Donc, ça nous prend une nouvelle télé, un nouveau sofa pour mettre en haut, pour descendre le stock du haut en bas. Et puis là, une fois que je vais avoir une deuxième télé en bas, je vais être plus en mesure de peut-être voir deux télés, je les mets où. Puis là, ça me donner d'autres idées. OK, je vais acheter une chaise berçante, un pouf, un tapis, je sais pas. Mais avant tout ça, faut qu'on fasse nos impôts personnels, savoir si on est réellement cassé ou si on peut comme avoir un petit buffer puis s'acheter du mobilier. Parce qu'il faut aussi une nouvelle... Il y a plus de place en haut, donc si on a une nouvelle table de cuisine, on va changer de place parce que là, on a créé un espace salle à manger, ça va prendre un petit buffet. On a besoin de meubles. Donc, pourquoi je disais ça, hein? Parce que je ralentis les dépenses, c'est ça. Alors, puis tout dépend des impôts, et puis celles-ci seront faites la semaine prochaine. Puis on va voir les résultats de ça dans une semaine plus tard. Donc, tout découle de ça, une étape à la fois, toujours. Faut pas mettre la charrue devant et peu. Puis, mais je vais quand même vous montrer des choses qui se sont ajoutées. Pas trop de dépenses. Ouais, y a des dépenses là-dedans, c'est pas raisonnable. Mais bon, on commence avec des jeux Game Boy qui nous proviennent du Mercado à Longueuil. Je salue Stéphane Lefrançois, toujours été très gentil avec moi. Du petit Feller, Marble Madness, un classique. Je suis curieux de l'essayer sur Game Boy. Là, je regarde ça puis je suis en train de me dire, je vous ai déjà présenté ça, ces jeux-là, non? Il me semble que je me suis réécouté. Je sais plus. Peut-être ceux-là, parce que ça fait longtemps. Fait qu'on va passer vite. Pipe Dream. Il me semble que j'avais dit dans un podcast précédent un jeu de pipe et de glu ou un affaire à la main. Et je me trouvais très drôle. Tetris Blast. Tous des jeux qui... Pack in Time vont un petit peu plus cher. Genre d'aventure. Un peu weird, je l'ai essayé. Il y a de quoi à faire. Boggle Plus. Baseball, j'avais pas ça moi, baseball encore. Étrange quand même. Et puis, rutilant Earthworm Jim, qui est le jeu qui vaut un peu plus là-dedans, sans valoir grand-chose, quoi, 15-20$. Et puis, de chez Bière et Cassette, les frères Lavoie, les cool frères Lavoie de Québec, m'ont amené Spider-Man X-Men sur Game Boy, qui est sûrement du gros caca aussi, mais je l'avais pas. Donc là, je pense que je suis pas mal. Plein là, des Spider-Man du Game Boy. J'aime pas ça ramasser ces jeux-là. Ça existe. Non, ça existe des bons jeux de Spider-Man, mais pas ceux-là, en tout cas. Pour continuer avec bière et cassette, dans le fond, je me suis pogné Gunforce. Un jeu que j'ai jamais vraiment essayé plus que 5 minutes, mais qui avait quand même. Je trouvais ça intéressant. Il y avait de quoi là-dedans. Mais le gameplay. Les contrôles étaient un peu inversés, puis c'était, j'étais comme pas sûr, mais je veux m'y remettre. T'sais, il était dans ma wishlist, mais vraiment pas en priorité. Là. Mais il était là-bas, puis les gars de la Retro Arcade 2PM m'ont fait un très bon prix, alors je l'ai pris. Maui Malor in Cold Shadow est un jeu de Super NES qui monte en valeur et puis que je recherchais depuis un bout. Je suis bien curieux d'essayer ça. Je l'ai essayé 2 minutes. C'est super rapide. Et puis, on commence comme Donald Duck. Mais moi, j'ai hâte de faire genre du Shaolin, là. Donner des coups de bâton, du karaté, je sais pas quoi. Je me force de pas aller voir du gameplay de ce jeu-là parce que je me dis, ça doit être bon, ça. Ça monte de valeur. Et puis, il y a de quoi qui se passe là-dedans. Et puis, Disney Interactive, Yo-Yo. Ah, je pensais que c'était Capcom. C'est peut-être... À voir, je sais pas. Mais content d'avoir ça, c'était également dans ma wishlist de vitesse moyenne, disons. Et puis, en dépactant mes jeux de leur boîte et puis en regardant mon application, je me suis rendu compte que j'avais même pas Super Punch-Out. Ben là, on l'avait au magasin et puis je ne l'ai pas gagné, alors maintenant je l'ai. Quel grand jeu pareil, Super Punch-Out. Parlant de magasin, là j'étais content par exemple. On a acheté un lot de Wii à quelqu'un. On a acheté une collection de Wii à quelqu'un, carrément, hein, finalement. Et puis c'était une très belle, très grosse collection de Wii avec genre que du bon. T'sais. Tous les bons jeux étaient dedans. Le plus rare, Dokapon Kingdom est dans le lot. D'ailleurs, au moment où est-ce que je vous parle, Olivier chez Retro Montréal est en train de rentrer tout ça en inventaire. Et puis, ouais, mais ça m'aide. Je le voulais pas ce jeu-là parce que c'est un genre de RPG, je sais pas quoi, là, tu sais, c'est pas. J'y jouerai pas, c'est sûr. C'est un jeu cher que je veux pas nécessairement collectionner. Mais ça arrive, ça, puis vous allez voir dans ce que je vais vous montrer que j'aime quand même garder les jeux chers des fois. que je veux pas jouer, mais celui-là, c'est pas le cas. Alors, je vais laisser. Puis en plus, j'ai une bonne dette là, envers le magasin. Quand je prends des affaires, j'achète des jeux neufs, on met ça dans un document, dans un Google Sheet. Google Sheet, c'est la vie. Et puis, on se monte un bill, chacun des trois propriétaires. Puis là, il faut que j'arrête de faire monter mon bill. Fait que je n'ai pas pris Edo Capone Kingdom. Là. Donc, surveillez la page, ça va être disponible très bientôt. Par contre, je me suis pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jeux de la collection du gars. On va commencer avec les petits. Rayman Origins, que j'avais déjà dans ma collection à l'origine. Et puis, quelqu'un a passé une commande chez Retro Montréal pour ce jeu-là. Et puis, il y avait un fuck d'inventaire, puis on l'avait pas en inventaire, finalement. Fait que j'ai pris ma copie personnelle qu'on a shippée à la personne, et puis la personne a eu sa commande. Donc, j'avais pu ça depuis ce temps-là. Et puis, ben c'est revenu. Alors, je me suis repris la copie. Il y a des... ça arrive des fois chez... dans les... qu'il y a des petits fucks d'inventaire comme ça, ça fait partie de la game. On a des milliers, des dizaines de milliers de jeux en stock et puis ça bouge beaucoup, donc je pense qu'on est très tight malgré tout. Puis je regarde les magasins en Ontario, les gens que je connais, tu sais, même ici au Québec, personne tient tant un inventaire si précis, ou du moins des fois juste pas du tout, tu sais. Le stock est ses tablettes, puis that's it, t'sais. Pas plus compliqué que ça. Tu leur demandes, je peux-tu voir une liste de vos jeux? Ah, là, ils t'envoient des photos, t'sais, ils ont pas de sheet à partager, t'sais, quand ils ont comme à rien. Il y a très peu de magasins qui le font. Je pense que La Planque à Québec le font. Donc, ça, c'est très bien, tu sais, mais man, ayez des listes, là. Travaillez, là, c'est important, tout ça, bon. Fait que, ouais, j'ai gardé deux jeux. De Pinball, le Pinball Hall of Fame, la collection Williams, et le Pinball Hall of Fame, la collection Gottlieb. Donc, je ne savais pas que ces affaires-là existaient, en fait. Et puis, il y en a un des deux qui vaut plus cher que l'autre. Je pense que c'est Gottlieb, en fait. Et puis, il vaut quand même une petite coche plus chère, là, tu sais, genre 10-15$ de plus. Donc, c'est intéressant. Je regarde en arrière de quoi ça a l'air, et puis ça a l'air chouette quand même. Ben, pour la Wii, là, on s'entend, là. Très intéressant. Donc, des belles petites compiles de pinball, parce qu'on en a jamais trop. Et puis, ça s'en va dans ma collection. Ça, Rampage Total Destruction, on m'a dit que c'était très bien ce jeu-là, et puis très le fun en co-op. Ça existe au PS2, ça existe au Xbox OG, me semble aussi. Donc ça existe, là, cette affaire-là. Et puis, mais j'avais même oublié qu'il y avait une version Wii. Alors tant qu'à l'avoir, j'aime mieux l'avoir version Wii pour avoir pour une plus grosse bibliothèque Wii. Parce que le Wii, c'est beau, c'est blanc. Et puis, c'est ça. Donc, j'essayerai ça avec des copains en buvant une bonne bière. Ça, je savais pas que ça existait. Reload, un rail shooter, comme la Wii le fait si bien. Et puis, je sais pas si celui-là, il est bon, mais je l'ai gardé quand même après avoir regardé du gameplay. Et puis, si jamais c'est pas bon, je m'en débarrasserai simplement. Mais ça a l'air prometteur, puis je le connaissais pas, ce jeu-là. Donc, rail shooter de plus dans ma collection. Parlant de rail shooter, celui-là, je le voulais vraiment. Par exemple, Dino Strike, paraît que c'est vraiment très, très, très bien. Je pense que c'est un jeu, ça, qui prend de la valeur aussi. Surveillez ça, c'est pas de la merde. Si vous voyez ça passer, pas cher, achetez-le. Ça va continuer de monter. Surtout si Metal Jesus en parle, si ce n'est pas déjà fait, ça doit être fait. Donc, bien content d'ajouter ça à ma collection. Ça, c'est hot, man. Saint. Le Saint. S-A-I-N-T. En fait, je connais, j'avais aucune idée de l'existence même de ce jeu. Et puis, c'est un shmup. Peux-tu craire à ça? Un genre de shmup qui a l'air de ressembler un peu à Monkey King. Excusez, j'ai entendu un son. À Monkey King, donc, sur la Switch, qui est, sur la Wii, qui est un joli shmup qui reprend un peu Cloud Master au Sega Master System. C'est très facile, là, Monkey King, sur Wii, et puis même très, très, très facile. Mais bon, c'est correct, c'est un beau petit 20 minutes à passer. Puis j'ai l'impression que de Saint, ça, c'est exactement la même chose, tu sais. Vraiment léger, là, comme shmup, mais quand même, le visuel il est bien, c'est UFO, donc faut pas s'attendre à des miracles. Mais ce jeu-là, il vaut rien, genre, il vaut 5-10 piastres, tu sais. Très weird. Je suis vraiment curieux de l'essayer, celui-là. J'ai jamais vu ça passer avant. Donc, je parlais tantôt de jeux qui valent cher, que je jouerai jamais, puis que j'aime avoir dans ma collection. Ben, quand on parle de Wii, celui-là, vu qu'il me passe entre les mains, je décide de le garder. Fritz Chess. Donc, c'est un jeu d'échecs. Et puis, je ne sais pas pourquoi ce jeu vaut vraiment si cher. Ben, c'est bizarre. Mon application dit genre 150$. Price charting dit 60, me semble. De 60 à 80, ça y entourne autour de 100$, me semble, sur eBay. Donc, c'est un peu nébuleux. Mais c'est pas un jeu à 5$. Ça, c'est dans les tops du Wii, dans le fond. Il existe une version DS aussi, qui ne vaut rien. Mais je sais pas pourquoi la version Wii vaut quand même pas mal cher. En fait, il existe plusieurs versions Wii de jeux DS, ou je sais pas si c'est l'inverse, qu'est-ce qui sort en premier. Mais Ivy the Kiwi, mettons, vaut bien plus cher sur la Wii que sur le DS. Donc beaucoup de jeux comme ça valent plus cher sur la Wii que sur le DS, c'est quand des versions existent. Veggie World aussi, me semble, qui est rendu dans les tops de la Wii quand même. Content d'avoir allumé rapide là-dessus. Donc, la Wii, mesdames et messieurs, ça monte. Et puis, ça, ben, je jouerai pas. Ben, peut-être, hein. Mon plus jeune, il triple échec. Fait que ça pourrait être une façon de l'essayer. Mais je suis content d'avoir ça. Tu sais, des beaux jeux rares que tout le monde aime en avoir. Et puis, un dernier jeu que j'avais commandé sur eBay parce que j'ai peur qu'il monte. Et puis que, en même temps, deux jours après, on a reçu le lot Wii que je savais pas qu'on allait recevoir, genre. Fait là, j'étais comme fuck, j'aurais pu le prendre dans le lot Wii. À la place de ça, je l'ai commandé sur eBay puis je l'ai payé un peu plus cher. The Munchables, ben c'est pas grave dans le fond. Donc The Munchables sera disponible chez Retro Montréal parce que je me suis pogné une copie eBay, sinon je l'aurais gardé pour moi. Ça a l'air d'être un jeu de petits bonhommes qui mangent d'autres bonhommes. Et puis, je sais pas si 3D platformer-esque avec des boss et tout. Gros kit. Et puis, moi, les petits bonhommes qui se promènent, qui mangent des trucs et qui grossissent, ça me fait beaucoup penser à Snake Rattle and Roll sur NES, un jeu que j'aimais bien. Donc, je pense que ça va être dans le même style, mais vraiment plus avec des niveaux faits en longueur que des Arena, si je peux dire, pour la version pour le NES. Mais c'est ça, Metal Jesus a encensé ce jeu-là. Et puis là, ça va monter. Puis là, j'ai la chienne. Alors, je l'ai maintenant. Et puis, je l'ai payé 20$, 20-25$. Pas mal ça. En bas de 30$, c'est bien. Hein? Il va sûrement être 30$ chez Retro Montréal. Mais ouais, surveillez ça. Très belle chose à avoir dans sa collection Wii. J'en suis convaincu. Parlant de magasin de jeux vidéo qui s'appelle Retro Montréal, j'ai des jeux Switch neufs que je me suis pogné. Donc, Gunvolt Chronicles Luminous Avenger. Ça a l'air d'être un jeu un peu la suite, ou peut-être que ça vient avant, c'est avec Coppen, c'est le bonhomme blanc ici. Là. Pour ceux qui ont joué à Azure Striker Gunvolt sur Switch, ce personnage-là est dans le 2, en fait. Je sais pas si ça existe sur 3DS aussi. Donc la compile des deux jeux, Gunvolt 1 et 2, ça existe. Je l'ai ici, en arrière, là, quelque part. Sûrement au début, là, parce que c'est Azure, donc vis-à-vis là. Et puis, moi j'ai bien aimé ça. C'est pas mal, ça se rapproche beaucoup de Mega Man X. Encore une fois, ce jeu-là, c'est très frénétique. Les dashs, tu colles ses murs d'électricité, le robot-esque des choses. Des lasers, man, des beaux lasers. Donc, beaucoup d'action, action-packed game, très cool. Ça va dans mon backlog. Tous les jeux que j'ai ici sont dans mon backlog parce que j'ai pas encore fini Monster Boy sur Switch, mais ça s'en vient. Parlant justement de Mega Man X ou de Mega Man Time Spinner. Moi, je connaissais pas ça. Joe, au magasin qui capote Mega Man, m'a dit que ça, c'est totalement à la Mega Man X encore, donc un autre jeu à la Mega Man X. On s'ennuie-tu de Mega Man X, hein, Capcom? Faites donc Mega Man X un nouveau, là, genre. Ça doit s'en venir, ça. Ils ont fait Mega Man 11, je peux pas croire. En tout cas, en attendant, vous avez Time Spinners, et puis Time Spinner, et puis la fille là-dedans. Elle utilise des genres de boules de magie, des boules pour jouer avec les éléments, ralentir le temps. Donc, ces espèces de sphères-là qui sont les power-ups que tu utilises. Genre, il y en a qui sont forts pour certains boss, qui te font faire des choses. Donc, c'est dur à expliquer, là, mais vous catchez un peu ce que je suis en train de vous dire. Moi, je connaissais même pas ce jeu-là. Mais j'ai quelques amis qui l'ont essayé et disaient, ouais, très belle expérience, simple et efficace. Je l'ajoute. C'est ça, hein? C'est trop facile d'avoir un magasin de jeux. Tu es comme, hey, ce jeu-là, tu le prends, puis tu l'ajoutes sur ton bill. Oh là là, ça me coûte cher. Mais j'ai une très belle collection Switch, sérieux. Ça me rend heureux. Vous voyez le chunk de rouge qu'il y a là? J'aime beaucoup, beaucoup collectionner le Switch, là. C'est pas mal une de mes top consoles préférées, là, maintenant. Parce que tous les jeux indépendants vont là-dessus. C'est tellement hot. Blazing Chrome en est un autre. Ça, c'est tout des Limited Run, en fait, right? Ouais, c'est tout des Limited Run. Donc, hey, on est chanceux d'avoir ça chez Retro Montréal. D'ailleurs, je vais en reparler. Blazing Chrome, donc, vous avez vu ça passer. C'est genre le contrat que tout le monde attendait. C'est sorti depuis un bout. Moi, j'ai même pas essayé encore. Je me retenais. Et puis, j'ai bien hâte d'essayer ça. Là, c'est vraiment un mélange de Hardcore Genesis et de Alien Wars sur Super NES. Donc, en co-op aussi, il paraît que c'est vraiment excellent. Un jeu de qualité, c'est bien certain. Et puis pour finir, c'est le jeu auquel je vais jouer ça quand je vais avoir fini Monster Boy parce que j'adore, on dirait que je vais beaucoup aimer, Blasphemous. J'adore le nom, j'adore le lore, j'adore le look de ce jeu-là. J'aime les ennemis, c'est que église tout ça, tu sais, comme tes power-ups, tes affaires, les ennemis, c'est tout très très très église. Tu sais, comme dans le tapis, là, bien plus que Castlevania, c'est que des références et puis des monstres qui ont rapport à ça. Et puis, je sais pas qu'est-ce qu'on est. C'est écrit en arrière, je pourrais dire. Je sais pas qui qu'on est, c'est qui ce bonhomme-là, pourquoi est-ce qu'on est de même, puis c'est quoi notre but, si c'est de détruire l'Église ou si on est un produit de l'Église qui détruit autre chose. Bref. Mais je vais lire tout ça avant de commencer, mais je l'ai essayé sur PS4 chez mon neveu. Parce qu'on m'avait dit, ou j'avais entendu entre les branches, que le gameplay était peut-être un peu broken des fois, ou tu cours beaucoup dans les corridors, tu tournes en rond. Il n'y a pas d'indice vraiment pour des trucs. Tu sais, mettons tu veux le compléter, il n'y a pas d'indice. Là. C'est mal indiqué comment trouver les affaires manquantes, donc tu peux vraiment tourner en rond. Mais moi, je vais sûrement pas vouloir ramasser tout ce qu'il y a là-dedans. Anyway, je suis là pour le gameplay. Donc, je pense que ça devrait me rassasier. Là. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est, d'après moi, ça va être prometteur. Hein. Puis, je vais en parler à Retro Nouveau. Je vais prendre une petite gorgée d'eau encore, je suis sec. Mais ouais, pour revenir au Limited Run, ça faisait partie des affaires qu'il fallait régler cette semaine. Là, parce que à chaque fois qu'on reçoit des Limited Run en magasin chez Retro Montréal, on les affiche sur Facebook en disant « Disponible en magasin seulement, faites vite. » T'sais. Puis là, les gens, ils nous gossent. Pourquoi c'est disponible juste en magasin? On a déjà expliqué plusieurs fois dans le passé qu'on a des ententes avec les fournisseurs par rapport au Limited Run. Les ententes sont les suivantes. Limited Run oblige les fournisseurs de jeux de nous envoyer à nous des papiers qu'il faut signer, qui disent qu'on ne peut pas vendre les nouvelles sorties, dans le fond, sur Internet avant 6 mois. Donc, nous, on reçoit Blasphemous, on en commande 20. On a ça en magasin. On ne peut pas les mettre sur notre site web avant 6 mois. Donc, après, rendu là, on n'aura plus. T'sais. Pourquoi ils font ça? Ben, c'est parce qu'ils veulent pas... C'est les Limited Run disent ça dans leur communiqué. Ils veulent pas ils veulent qu'eux demeurent la priorité pour les gens qui commandent en ligne. T'sais. Si nous autres, on le met en ligne, ben, ils peuvent l'acheter chez nous au lieu de l'acheter chez les Limited Run directement en ligne. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça aussi que les magasins passent pas mal en dernier. Mais des fois, c'est flou, ça, encore. Parce que, par exemple, Céleste est arrivé en magasin bien avant qu'on les reçoive. Moi, j'avais commandé Céleste personnellement avant qu'on ait un magasin de jeux vidéo. Et puis, on a ouvert un magasin de jeux vidéo. Et puis, on a commandé des Célestes quand ça a l'air qu'on pouvait en commander. Et on les a reçus. J'ai reçu ça bien avant ma copie personnelle de moi en tant qu'individu, pas en tant que magasin. Mais par contre, tous les jeux qu'on reçoit, pour la majorité, vous recevez vous chez vous vos jeux si vous les commandez directement chez Limited Run avant nous autres, parce que c'est le même que Limited Run opère, ils fournissent les individus avant de fournir les fournisseurs. C'est pas de notre faute, on n'a rien à voir là-dedans, c'est juste comme ça que ça se passe. Donc, tout ça, on l'a expliqué dans nos posts anyway de façon plus concise, mais les gens, tu sais. Donc là, on a fait une section sur notre site web qui s'appelle les Metal Run, qui explique toutes ces affaires-là dedans, et puis qui mettent en dessous les jeux qui sont rendus 6 mois après leur sortie. Il n'y en a pas beaucoup. C'est normal. On peut pas acheter. On peut pas mettre Blasphemous là. On peut pas, tu sais, on peut pas là. On n'a pas le choix. Sinon, si on n'obéit pas à ces règles-là, on va se faire retirer le droit de vendre des Limited Runs. Et puis, des Limited Runs, on aime ça, vous aimez ça, c'est le fun, tout le monde a du plaisir là-dedans. On fait-tu des tonnes d'argent avec ça? Non. On en fait un peu? Oui. C'est de la belle publicité. Et puis, ça fait des clients heureux, des propriétaires heureux, tout le monde est gagnant. Fait que, arrêtez de chialer. Et puis, ceux qui nous disent que « Ah, j'en achète à la planque, j'en achète à tel plat, j'en achète dans l'Est canadien, dans l'Ouest canadien, j'en achète au lac Saint-Jean, chez High Tech, je sais pas quoi, là. » Ben, ces gens-là ont les mêmes paramètres que nous autres. S'ils vendent des jeux plus tôt que ça en ligne, ben, ils suivent pas les règles. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, on va pas risquer ça. Donc, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Alors, ça fonctionne comme ça. Vous êtes avertis. Aïe, hein? Je suis en train de... Non, je suis de bonne humeur quand même, tu sais. Tantôt, je vais manger des pâtes pour dîner. Il y a des saucisses dedans. J'aime ça, les saucisses, tu sais. Faut voir les choses. Ah, je suis fatigué. Désolé. Mais je suis fatigué aussi parce qu'on est jeudi matin, puis le mercredi soir, je joue au hockey, et puis la partie de 10 à 11 et demi. Fait que le temps de revenir, de prendre ma douche, de juste décompresser un peu, puis de m'endormir. Moi, ça me prend beaucoup de temps à m'endormir. Faut que je vide ma tête, et puis ma tête est dure à vider parce qu'elle tourne tout le temps. Je m'endors vers 1h30 du matin. Alors, j'ai pas beaucoup de power le jeudi, mais c'est correct. Ce que j'aime faire, en fait, c'est travailler à l'ordinateur le matin, quand j'ai du design ou des affaires précises à exécuter, parce que le matin, je suis comme productif à un ordinateur. Je suis créatif quand j'ai besoin de faire le design, de créer. Mais à l'après-midi, après avoir mangé, là, je pogne un down, puis je m'endors. Alors là, je vais travailler physiquement au magasin, chez Retro Montréal. Et puis, je suis capable de rester réveillé, là, dans le fond, et puis bien vivant et productif. Donc, productivité, tout le temps, efficacité. C'est le même que je peux faire. Et puis, j'aime bien cette flexibilité-là, quand même. J'aime bien ça. Donc, dernier achat, un achat con, vraiment. Moi, j'arrête pas de dire que je cassé ces temps-ci, puis j'ai acheté ça. J'ai vu... Attends, j'ai-tu fait un post là-dessus sur ma page Facebook? Me semble que... Peut-être. Ou c'était peut-être sur la page du Club Vidéoblond. Une page Facebook, un groupe Facebook d'amateurs de bière et de jeux vidéo. Bref. Moi, je veux revoir tous les jeux complets en boîte que j'avais dans mon enfance pour NES, Super NES, Game Boy. Sauf les jeux de marque. Comme par exemple au NES, Pinbot, c'était ma mère qui voulait jouer à ça. Puis c'était bien correct. Mais j'ai pas besoin d'avoir Pinbot en boîte. Tu sais, comme pas d'amour. None. Mais puis pareil au Super NES, au NES c'est beau, c'est tout complet. Castlevania 3, Blaster Master, Bayou Billy, of course, les Turtles, Dr. Mario, Mission Impossible. Pas mal ça. Au Super NES, je veux pas tout revoir non plus, mais j'ai retrouvé ActRaiser 2, Final Fantasy 3, Super Castlevania 4, Contra 3. Qu'est-ce qui me manquait? Ça, c'était tous des gros. Mortal Kombat, non, pas besoin de ça, j'en veux pas. Alien 3, j'aime ce jeu-là quand même, sur Super NES. C'est bien. Donc, Alien 3, et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre au Super Nintendo, moi, je me rappelle plus. Je pense que c'était pas mal ça. Ah, Street Fighter 2, mais j'ai pas besoin de Street Fighter 2, tu sais, c'est le moins bon de la gang, dans le fond. Fait que j'ai Super Street Fighter, et Street Fighter 2 Turbo, en fait. Fait que c'est bien correct. Donc, tout ça est comblé. Tout ce qui me manque au Game Boy, là, j'ai retrouvé... Là, avec les années, j'ai maintenant Kirby's Dream Land, Opération C, Opération Contra, Castlevania 2 Belmont's Revenge. Quel j'avais d'autre? C'est-tu tout? Hey, je me retourne et je regarde. Où sont les jeux Game Boy en boîte, non? Je sais pas. C'est un peu le bordel en arrière, hein? Comme... Ah, ils sont par terre, là. Mega Man, Dr. Willy's Revenge. Et ça sera ça, en fait. C'est parce que j'en ai beaucoup plus maintenant que j'en avais avant. Mais j'ai quand même ramassé aussi des jeux que des amis avaient qui m'ont prêté, que j'aimais bien, genre Motocross Maniac, des affaires comme ça. Mais ce qui me manque, les trois plus gros, Bionic Commando, The Jetsons et Snow Brothers. J'ai besoin de boîtes et livrets de ces affaires-là. Et puis, j'ai fait un compulsive buy. J'ai acheté impulsivement sur eBay la boîte et livret et insert de Bionic Commando. C'est vraiment un bon jeu. Vraiment beaucoup. Et puis, cette affaire-là était listée à 120$. Et puis, mais avec un make-offer. Puis là, je sais pas pourquoi, il était tard sur ma voix. Je suis comme, ah, make-offer, 100$, il voudra jamais. Là, il a comme voulu tout de suite. Là, comme, fuck! J'aurais dû dire 80, tu sais. Fait que, déjà là, que je me sentais un peu niaiseux d'avoir envoyé une offer, il l'a accepté tout de suite, je me sens encore plus niaiseux. Je suis comme, merde, faut que j'achète cette affaire-là à cette heure, puis ça me coûte cher, puis c'est pas le bon moment, tu sais. Mais en tout cas, je l'ai fait pareil. Et puis, j'avais même pas réalisé, en faisant mon offre, que le jeu n'était pas inclus. Moi, je me suis dit, je l'ai le jeu, puis je l'ai payé genre 10$ il y a super longtemps. Puis là, il en vaut combien? 30? 40? Je me rappelle plus. Fait que je vais me refaire un peu en revendant le jeu, tu sais. Mais non, il y avait même pas le jeu dedans. Complètement oublié ça. Ben, complètement pas vu ça. Donc, j'ai ça maintenant. Et puis, je dois dire par contre qu'il est vraiment mint, là. Il est très beau avec tous les inserts. C'est cette boîte-là, carrément, au look là, que j'avais quand j'étais jeune. Et puis, c'est vraiment un bon jeu, sérieux. Comme plus efficace même que la version NES. On se perd moins, tu sais, plus straightforward. Si vous aimez, bien sûr, que Bionic Commando, il faut que vous jouiez à ça. C'est une très bonne version qui a pas tant de monde qui ont essayé ça, il me semble. Mais ça vaut vraiment la peine. Donc, j'ai payé. Puis là, j'ai payé du shipping et j'ai payé des fucking douanes. Donc, si j'ai payé cette boîte et livret-là, pour faire un chiffron, là, disons 150$. Mais 150$, c'est le prix du CIP, donc avec le jeu dedans. Donc, je n'ai pas... J'ai payé trop cher. Par contre, je me dis, j'ai payé le jeu vraiment pas cher dans le temps. Fait que c'est comme si le package, je l'avais payé un petit peu plus cher que j'aurais souhaité. Par contre, il est vraiment en mine, puis il y a tous les inserts. Donc, écoute, on va dire que c'est gagnant. C'est un barré sur trois. Donc maintenant, The Jetsons et Snow Brothers. Je pensais que Snow Brothers était le plus dispendieux des deux, mais non, on dirait que Jetsons monte. Jetsons au Game Boy est un jeu qui a pris beaucoup de valeur, là. Ben, quand je dis beaucoup, c'est de les voir monter comme c'est beaucoup. Tu sais, passer de 10$ à 20-25$, c'est beaucoup, là, tu sais, en deux ans, mettons. Là. Donc, ça monte et ça m'inquiète. Alors, faut que je règle ces dossiers-là, ça va être important. Mais là, j'achète plus vraiment de jeux de Game Boy, du moins, j'en cherche pas parce que, tu sais, comme le full set, je vais le faire, c'est sûr. Mais là, je suis un peu en mode, comme j'expliquais plus tôt, on va attendre voir ce que les impôts disent. Donc, c'est cela. Dernière petite gorgée. Ah. Puis, ces impôts-là aussi vont faire que je vais m'équiper un peu ici pour faire du streaming un peu mieux. La nouvelle télé, quand elle va descendre en bas, quand je vais finalement avoir une télé HD ici, je vais pouvoir streamer avec ma analogue NES NT Mini, dans le fond. Puis là, il faut que je regarde les branchements puis tout, tu sais. Fait que tant qu'à le faire, je veux le faire comme il faut. Par contre, moi, je peux le faire pauvre, là, très pauvrement, par contre. Ça va revenir. C'est juste que j'arrive pas à habiter l'espace ici encore, à trouver la zénitude de venir m'installer puis décompresser, tu sais, parce que ces temps-ci, j'étais un peu high, là. Faut que je règle les shit. Alors, c'est ça. Mais ça va venir. J'ai joué en fin de semaine à DuckTales au NES. C'est un jeu, ça, mes amis, que vous avez tous terminé, que vous trouvez tous facile et que moi, papa cassette, trouve difficile. Non, mais je me suis jamais tant concentré sur ce jeu-là. Mais tu sais, j'ai joué une demi-heure, mettons. Et puis là, j'avais exploré un peu tous les mondes là-dedans, puis j'ai vu un peu où aller, j'ai découvert des affaires secrètes. J'ai comme, bon, c'est pas trop compliqué, I guess. Puis, mais des fois, j'ai des bonnes runs, puis des fois, j'ai des très mauvaises runs. Le pogo attaque, il est trop pointu. Il faudrait qu'il en couvre un peu plus large. Souvent, je bombe dans les ennemis, tu sais. Donc, je sais pas pourquoi, moi, je struggle à jouer à DuckTales ou NES, mais c'est définitivement un titre qu'il faut que je finisse, là, tu sais, puis que j'apprenne, là, parce que... C'est un classique, hein? Donc, peut-être je vais set up de pauvrer ce jeu-là bientôt. Donc, ben c'est tout, en fait. My God, hey, j'ai-tu des affaires à annoncer? Qu'est-ce qui s'en vient? Pas vraiment, à part le 29... peut-être que l'épisode va sortir après ça, en fait. Fait que j'en parlerai même pas vraiment. Mais le 29, soirée Synthwave à la Nuit Blanche chez Arcane Montréal. On est ouvert jusqu'à 6h le lendemain matin. Donc on ouvre samedi midi, puis on ferme dimanche à 6h du matin. Et puis, moi, je suis vieux, donc clairement, je vais pas toffer toute la nuit là, mais je vais aller faire mon tour, puis ça va me faire du bien un peu de me rebaigner dans mon port. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté ce, on dirait, étrange épisode où est-ce que je fais juste garocher n'importe quoi, mais c'est la vie, et puis c'était ça pour aujourd'hui. Alors merci beaucoup, et puis on se revoit très bientôt.